de mieux. Pour éviter d'être un monsieur, j'ai mes folies, faute de mieux. Pour me punir, de me faire vieux, je traque au bourbon, faute de mieux. Pour espérer que j'en veux, je vis ma vie, faute de mieux. Qui je cours, quitte à faire demi-tour à mi-parcours. Paiera toujours, c'est après qui je cours, pour un bonjour, même à la bourre, faute de mieux. Toujours, c'est l'après qui je cours, que je savoure dans sa bravoure. Mais il y aura toujours, c'est l'après qui je cours, péché d'amour me hantera toujours. Faute de mieux. Je comprends pas les gens bons, les gentils, les gens mères, les gendarmes, les gens chaînes, les gens fermes, les gens poudres et j'en passe, et des meilleurs. Je comprends pas les gens pèsent, les gens taillent, les gens filent, les gens brouillent, les gens pirent, les gens quêtent, les gens rient, puis j'en pleure, ou pas d'ailleurs. Je comprends pas les gens pratiquent, j'en poche, les gens volent, j'm'en lave, les gens rêvent, j'en crève, les gens terrent et j'en rage, pour le meilleur. Je comprends pas les gens, Jean Monnet, Jean Gabin, Jean Tali, j'en peux plus, Jean Reno, Jean René, Jean Vanlère, Jean Bombeur, comme dit ma sœur. Je comprends pas les gens, Jean Ferrat, Jean Ferrien, Jean Boucher, Jean Boucher, Jean Poiré, Jean Doctrine, Jean Prison, Jean Poisonne, va voir ailleurs. Je comprends pas les gens, j'en sais rien, j'en suis pas, j'en fais quoi, j'en sais trop, j'en rumeur, j'en reviens, j'en vois de chez j'en conviens, Jean de la Fontaine. Je comprends pas les gens bons, les gentils, les gens merdes, les gendarmes, les gens chaînes, les gens fermes, les gens poudres, les gens passe, et des meilleurs. Je comprends pas les gens, Jean Bonnard, Jean Godot, Jean Richard, Jean Neymar, Jean Paul II, Jean Boiteux, j'en oublie des gens mûrs, au fur et à mesure. Je comprends pas les gens, j'en potais, j'en voyais, les gens douillés, j'en deuil, j'en casse, les gens veulent pas, j'en transcène et j'ennuie, et j'en oublie. Je comprends pas non plus les maris, couche-toi là, la Marie honnête, la Marie, la Loton, les maris et les cons, mais sans façon. Je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas les gens, je comprends pas. pas les gens. Qui ne sèche qu'au vent, il n'y a pas d'armes au corps des fantômes. Perle noire tatouée, c'est tout ce qui m'est resté quand tu m'as planté sur l'arbre mort au cœur du désert. Il y a comme deux cœurs gravés au laser, des seins fracassés, grotesques signés. Tout au bout de l'Ottawa, y'a tes yeux, ton corps, t'avais ni raison ni tort. Tout au bout de l'Ottawa, tes rêves, tête de mort, l'essence coule sur les remords, et je m'y noie fort. Tout au bout de l'auto, y'a des larmes qui ne sèchent qu'au vent, des rites qui ressemblent à du sang, et des mots bornés en souvenir castré quand tu m'as planté en vaisseau fantôme en ombre de moi. La terre est petite quand elle tourne sans toi. Ressemble à du sang.